Alors, suite et peut-être fin du contrôle des pompes, maintenant nous allons diriger vers les eaux pluviales et voir si la pompe a été bien changée. Et tout ce qui est en ordre, tout ce qui est à voir là-dessus. Ah. L'ancienne, quoi. L'ancienne fait un peu de bruit. Ouais, maintenant, parce que comme on a une neuve à côté, forcément... La pompe qui fait un peu de bruit, l'ancienne, est-ce que ce bruit est grave? Pas pour l'instant, on peut encore tourner comme ça. D'accord, ouais. C'est ennuyeux quand même, ça. Une pompe qui a 3 ans, quoi. Ouais, mais un jour ou l'autre, sera à changer. Mais pour l'instant, faut la laisser se bloquer comme ça, pour éviter les frais, quoi. D'accord. La pompe, l'ancienne pompe, alors qu'est-ce qui s'est passé sur l'ancienne pompe? C'est un bruit, en fin de compte, comme c'est des bruits de roulement, hein, et à un moment donné, ça force, on l'entend comme celle-ci. Ouais, mais c'est dû à quoi ce bruit? C'est l'usure, c'est plein de choses. Hein. Mais ça peut s'user en 3 ans une pompe? Ça dépend, ouais. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'use plus, quoi? Parce que une pompe, ça marche 5 ans, ça marche 10 ans, des pompes, j'en ai eu. Ça dépend des pompes, ouais. Mais comme ici, ça n'a pas été... Équilibré. Ouais, ça n'a pas été équilibré comme il faut. En fin de compte, il y a des pompes qui ont dû tourner trop longtemps, en fin de compte. Vous voyez, ça n'a pas été alterné comme il faut. Ce que je crains, ouais. Je pense que c'est ça. Bien, bon. Tout est en ordre. Je vois que vous n'avez pas mis de polyuréthane. J'en ai pas, là. Mais on veut pas... Mon collègue me disait qu'il ne faut pas en mettre. On va mettre autre chose, peut-être. Parce qu'après, on ne pourra pas retrouver... Pour retirer les câbles, il me dit si un jour on a un problème, je vais mettre un genre de chiffon ou un truc comme ça. Ouais, mettez un truc pour bloquer. Ouais. Bon, alors attendez, ça c'est une chose. Qu'est-ce qu'on fait pour... Pour l'instant, rien. Parce que bon, faut passer du temps. Hein. C'est pas. Bon, alors attendez, faut passer du temps. Mais que ce soit vous... On a une autre solution. Ah, c'est quoi l'autre solution? L'autre solution, en fin de compte, ce serait de remettre un autre voyant d'une autre couleur qui servirait que pour celle-ci. Et comme on a déjà le détecteur. Ouais. Une LED, en fin de compte, d'une autre couleur que celle-ci. Oui. Qu'on mettrait, mettons, on peut la mettre en troisième position. Oui. Pas une couleur orange, si on veut. Oui, qui change, quoi. Oui, tout à fait. Donc, pour les eaux, ça serait une pompe pour l'eau de pluie. Oui. Je pense à l'alarme que nous avons sonore. Ça, c'est comment c'est... Quelqu'un a touché à ça, sans doute. Il faut reprendre les plans. Hein. Ça ne se fait pas comme ça, quoi. Bon. Il y a un électricien que vous avez sans doute qui a bricolé là-dedans ou quelqu'un d'autre. Nous, on n'est pas intervenu là-bas. Oui, je sais que vous n'êtes pas intervenu. Vous avez été voir là comment c'était non. Là non parce bon. Non, parce que moi, je ne peux pas rester, si vous voulez, comme ça. On fait des installations, ça marche, ça ne marche pas. On a des pompes qui se dérèglent, qui s'abîment. Ouais, mais là, voilà. C'est bon. Mieux quand même. Parce que bon, là, j'espère que c'est mieux. Oui, j'espère que c'est mieux. Mais ma question, si vous voulez... est-ce qu'on peut avoir une installation qui soit bien faite et complètement bien faite? Je m'explique. Vous avez repris les eaux usées, on a les alarmes qui fonctionnent en extérieur. Est-ce que vous pouvez vous occuper de faire fonctionner ça à l'intérieur? Et vous le savez que ça fonctionne parce qu'ensemble, on l'avait testé ensemble. Je ne sais plus, il y avait un truc... Si, on y avait été ensemble, vous et moi. Ouais. Bon. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Alors, maintenant, je comprends que votre journée est terminée. Non, on a un autre dépannage à faire. Vous avez un autre dépannage. Bon, je ne vais donc pas vous ennuyer. Est-ce qu'on peut prévoir une intervention pour faire marcher cette alarme sonore à l'intérieur du bâtiment? Laurent, tu peux venir, s'il te plaît, parce que... Laurent, je vais être sûr qu'il y a un câble de départ qui part de là pour aller là-bas. Pour l'alarme sonore. Tu veux être sûr? Moi, j'ai rien, mais je vais regarder. De quoi? Du poste De là. Allez, eaux usées. Ouais. Non, d'eau pluviale. Les eaux usées, maintenant, c'est bon. Les eaux usées, c'est réglé. Ah non, les eaux usées, c'est... l'alarme à l'intérieur, ça concerne les eaux usées. Ah oui, ça concerne les eaux usées. Ça concerne les eaux usées. Les eaux de pluie, c'est une chose. Mais moi, je suis toujours à traiter les eaux usées. Et faire marcher cette alarme. Ah oui, parce que vous avez ça déjà et vous voulez encore... Mais aller... c'était pas... On veut encore... Initialement, il était prévu qu'on ait deux choses, deux gyrophares et une alarme sonore et visuelle dans le bâtiment, là. Oui, mais ça, vous avez vu ça avec l'électricien, pas avec... Oui, oui, nous sommes d'accord, ouais. Nous sommes d'accord. Bon, la dernière fois, quand vous êtes venu, on a été voir cette alarme, on y a été ensemble. Ouais, ouais, bon, été... bon, je me souviens plus de ce qui s'est passé, mais bon. Donc, maintenant, moi, je pars du principe, pour éviter le discours que vous m'avez tenu ce matin, que c'est pas vous qui que, vous n'êtes pas, etc. Est-ce que on peut envisager avec avis pur de faire réparer ou de faire marcher cette alarme, cette alarme. De toute façon, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc, il faut que ça marche. Donc, est-ce qu'on peut le faire avec vous? Ça me paraîtrait plus simple d'avoir un seul intervenant que de faire venir Pierre, Paul ou Jacques. Il faudrait des clés pour... Parce que là, on a eu du temps à passer un peu. Non, mais écoutez, vous allez réfléchir. On a un câble qui est coupé, mais après, moi, je ne sais pas si ça vient jusque-là. Si, si, ça vient. Ça marchait. Ça a marché, si je voulais. Pourquoi il est coupé, alors ? Mais je ne sais... Attendez, vous, les câbles coupés, on peut causer avec avis pur. Bon, je ne veux pas vous rappeler des vieux souvenirs, mais je n'étais pas au courant. Ouais, bon. Il y avait des câbles coupés. Des câbles coupés, on en a eu des câbles coupés. Alors, on n'est pas à un prêt. Bon. Mais après, moi, si vous voulez, il faut que je puisse... aller du poste jusqu'à votre alarme. Mais c'est bien sûr, monsieur, c'est bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez un câble. Il existe, le câble. Il a existé. Là, il n'y a pas de câble. Pardon ? Là, il n'y a pas de câble qui part. On va refaire une recherche quand on va revenir dans le coin. Vous allez... Bon, donc, vous me prévoyez quelque chose. Ben, tout travail mérite salaire. On va prévoir, en fin de compte, une heure de recherche, mettons deux ou trois heures de recherche, pour remettre d'aplomb, un devis pour faire un devis, quoi. Mais c'est ce que je vous dis. Ouais. C'est ce que je vous dis. Hein, vous nous faites un devis, comme ça. De toute façon, il va falloir que je le fasse marcher, ce truc, à l'intérieur. C'est prévu comme ça. C'est dans, dans notre règlement, de façon à ce qu'on ait deux gyrophares à l'extérieur et une alarme sonore et visuelle à l'intérieur. Et là, bon. un autre système pour celle-là aussi, et d'un autre... Ça, c'est en option. Ça, c'était pas prévu initialement. Bon, ça a moins d'importance, si vous voulez. Ça a moins d'importance. Mais il faut que, côté eau usée, on soit béton. Hein, hein, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas se permettre... hein, les pompes ne marchent pas, vous pouvez arrêter toute la vie dans la résidence. Hein. Bon. Donc, ce que je souhaiterais, donc, c'est que vous fassiez un devis, vous le faites parvenir à notre syndic, de façon à ce que on sache à quoi s'en tenir. Vous avez déjà fait quelque chose de bien ce matin, c'est de nous faire marcher les gyrophares. Les gyrophares marchent, j'en profite que je suis enregistré et que je vais être entendu par mon syndic. Les gyrophares marchent lorsqu'il y a une avarie sur les pompes. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est faire marcher l'extérieur, le bâtiment. Okay. On est d'accord ? Vous faites ça comme ça ? Ouais, on fait un devis, quelque part, peut-être que dans le devis qu'on va faire des 3 heures ou 4 heures, on trouvera la solution. C'est pas impossible. Moi, je pense qu'elle existe, la solution. Vous avez été capable de la trouver là. Et je suis persuadé qu'il y a un câblage... De toute façon, je sais qu'il y a un câblage entre le bâtiment A1 et le boîtier ici. Il existe. Ce qu'il nous faudrait, c'est un badge, peut-être, pour de là, quand on vient, vous voyez, faire arriver les manipulations. Si vous me prévenez à l'avance, vous avez tout en ordre. D'accord. Hein ? Mais on est prévenu à l'avance, je vous fais ouvrir le garage, comme c'est fait là. D'accord. On va le refermer, d'ailleurs. Et voilà. Bon, okay. On fait comme ça. Donc, il ne nous reste plus que ça à faire. OK ? Bien. Et j'espère que nos pompes vont bien marcher. En tout cas, je vous remercie de votre collaboration. Et vous êtes enregistré dans la boîte et pour l'éternité.